بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الدرس الثاني. طيب la dernière fois on s'est arrêté avant de prendre les questions. فأولا سأسألكما عن الكلمات. Je vous interroge sur les mots. طيب ما معنى رحلة؟ Voyage. لكن في النص dans le texte c'est quoi le une place, un vol. ما معنى عليك أن تفعل كذا وكذا؟ عليك c'est sur toi, il faut que tu fasses. Tu fasses بعد عليك la boue de pi le même عليك أن عليك أن عليك هكذا sur toi. أيوة لكن نعني هنا ما هو القصد الذي جاء في النص. طيب الدراجة هنا لا دراجة هنا في هذا النص نص تكست الدراجة سي لا كلاس ايه ولا هو ده سان دوغري وان مارش سياحة سياحية فاد سياحية توريستي زيارة زيارة عليك الكرة زيارة زيارة من أي فئة؟ أنا مصدر من أي فئة؟ زيارة نعم فيزيت سين فيزيت أيوة لكن ما هو الفئة بالعربية؟ زيارة يزور أحسنت. إقلاع إقلاع إقلاع إقلاع إقلاع ديكولي أيوة لكن مصدر من أي فئة؟ إقلاع عن مصدر أيوة ما هو الفئة؟ يقلع الماضي أقلع. نعم أقلع. أكد يؤكد تأكيدا confirmer. نعم مطار نوم ساعة ساعة l'heure. وصول l'arrivée. مصدر من اي فعل وصول وصل يصل الفعل نعم. طيب الكلمه اخرى معروفه طيب ندخل مباشره في الاسئله اون directement dans les questions ان شاء الله on va les faire ensemble. يقول أولا استمع وردد يكوت يربت عندي سؤال قرارة قرارة ربت قرارة نعم وردد وردد ربت كذلك نعم وفعل الماضي وردد رد رد أيوه وردد عندك ردد هنا وردد قرار هذا صعب يعني في هنا وردد أعيد كذلك أكمل صيغة طيب يقول حجز محمودا مكانا هذا ماضي محمود عايز عبيد بس يحجز محمود مكانا هذا مضارع في البريزون يحجز يا محمود مكانا هذا سي امبيراتيف امر طيب او محمود ريزيرف ان بلاس طيب quand on vient après ya حرف النداء quand tu appelles quelqu'un طيب il prend juste la plupart des noms quand ils sont pas composés ils prennent une domme tu dis pas ya محمودون tu dis ya محمودو طيب يا محمود طيب الان احجز الامر صح احجز ايوه احجز نعم طيب كل واحد يقرا الجمل الاتيه ويحاول ان يترجمها ابدا انت حجز محمود مكانا لا خلاص هذا هذا التي بعده نعم تسلم محمود التذكره يتسلم محمود تذكرة

النموذج يقول حجز محمود مكانا يعجز محمود مكانا يعجز مكانا يا محمود. Donc c'est la même chose qu'on a pris avant, sauf que là maintenant il vous donne juste le mardi à vous de faire le mudari et l'amr. Et c'est les mêmes verbes à peu près, non, c'est presque les mêmes que l'exercice précédent. Yajma'u. طيب من نقرا اخيرا كي لون dernier انا. طيب ابدا انت. استخرج احمد جوازا يستخرج احمد جوازا استخرج جوازا يا احمد. نعم. ثانيا دخل عمر المكتبة. عمر est rentré dans la bibliothèque ou la librairie. نعم. يدخل عمر المكتبة. نعم. ادخل عمر ادخل ادخل في المكتبة عمر يا عمر. لا ادخل المكتبة يا عمر. ما يعتجل فيه. يعتجل فيه. المعنى في نفس الشيء. نعم. ثالثا خرج عيسى من الحجرة. يخرج عيسى من الحجرة. اخرج من الحجرة يا عيسى. ما معنى الحجرة؟ حجرة سان لابارتمون. نعم. اون بيس. رابعا كاتريمون تسلم علي الرسالة. يتسلم علي الرسالة. رسالة. استلام. لا. تسلم. تسلم. تسلم رسالة يا علي. ما معنى رسالة؟ رسالة. نعم. خامسا. أكمل عثمان الكتاب. عثمان فيني لي. En fait on dirait le livre complété ou lit le livre. أكمل عثمان الكتاب. يكمل عثمان الكتاب. أكمل الكتاب يا عثمان. Dis pourquoi t'as dit you. يكمل. نعم. أكمل يكمل. نعم. Pourquoi t'as mis une demain alors que les autres on commence tous par une fatha. Laisse faire les. C'est un verbe à 4 lettres. Tous les verbes à 4 lettres, c'est par you, comme on l'a dit, c'est une règle générale. Tous les verbes en 4 lettres, vous voyez, ils commencent par un dhamma et une kasra au milieu. Voyez. Sadisan, sixièmement. Safara Abdullahi ila Makkah. Nam. يسافر عبد الله إلى مكة. إلى مكة. سافر. نعم. سافر إلى مكة. إلى مكة. يا عبد الله. يا من؟ يا عبد الله. بالضمة؟ ها؟ يا عبد. C'est quoi la haraka sur le del? Là. Parce que tu fais un appel, un ida, et que tu as un nom qui est composé d'un moudof et d'un moudof ilayhi, comme Abdullah, Abdurrahman, ou akaza, dans l'appel, dans le nida, il est mansoub. Prends une fatra. Tu appelles Ya Abdallah. Ya Abdallah. Vous voyez, dès que tu as un moudof, moudof ilayhi, qu'il y a un appel qui se fait, un nida, vous voyez, le moudof, il prend une fatra. Allah subhanahu wa ta'ala yakul fi kitabi ya ahl al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bayna wa baynakum. Ya ahl al-kitab avec une fatha sur le lam, ou vous les gens du livre, venez à une parole égale entre nous et vous. Comme tu dis ya rasul Allah, au messager d'Allah, quand tu fais le nida, l'appel, tu dis rasul Allah. طيب الله. سابعا كتب إسحاق الدرس يكتب إسحاق الدرس اكتب الدرس يا إسحاق. نعم. ثامنا قرأ يوسف الصحيفة. يوسف لو الجورنال. يقرأ يوسف الصحيفة. نعم. اقرأ صحيفة يا يوسف. يا يوسف. نعم. تاسعا جمع صالح الدفاتر. ما معنى هذا؟ دفتر بس تجيب عن كي ان جنرال. نعم. الدفاتر سلو تويس الجمع. يجمع صالح الدفاتر. اجمع الدفاتر يا صالح. نعم. عشرا دفع خليد الحساب. طيب هنا دفع سجل بي على بس دفع. طيب سجل بوسي. طيب إذا بوسي هو لا دير بي يدفع قيمة كذا بي لا valeur de telle chose. طيب donc là دفع le sens voulu الحساب c'est le compte. On dit de faire d'ailleurs. On dit de faire d'ailleurs. Tout ça dit d'ailleurs. Rembourser. On ne dit pas notre mot. En général, c'est son mot qui est employé. Et de faire. D'affaire. Ou elle est hisseb, c'est le compte. Hisseb, non. Quand il coule ta'ala, comme il dit à son messager, il n'aime pas les balas, ou alayna el hisseb. Voyez, Allah il dit au messager, toi tu n'as juste qu'à transmettre et le compte nous revient à nous. Voyez, hisseb, c'est le compte. Et là, le compte voulu, c'est, par exemple, je sais pas, mon restaurant ou de Ken, ou, c'est pas le même compte. Donc, Ali, Khalid a payé le compte. Tfaddal. C'est pas Khalid, c'est Khalid. Khalid. Et Ahmed, Alif. Khalid, non. Yadfa'u Khalidul Hisab. Taïeb. Amr, tu l'as fait? Amr, la dafia. La. Itfa. Nam. Itfa. Khalid. La. Itfa. Khalid, il y a la fin. Khalid, itfa. Itfa. Ah toi, je viens mot par mot, fais pas de liaison, si jamais ça te pose un problème. Itfa. Naam. Khalid. Non, tu le mets à la fin lui. Ah naam. Itfa il hisab Khalid. Ya Khalid. Taïeb. Naam. Et des fois on peut ne pas mettre le ya. Tu peux dire itfa il hisab Khalid. Mais il y a un taqdir, il y a un sous-entendu qu'il est là. Des fois tu n'es pas obligé de mettre, t'es pas obligé de dire ya à chaque fois. Mais il est là à la base. C'est-à-dire, c'est juste que tu ne l'entends pas, tu ne le prononces pas, mais il est là. Parce que le nom qui vient après va prendre les règles du nom dans lequel rentre Harf Nida, l'appel. Tu vas dire Itfa al-Hiseb Khalidou. Il ne faut pas dire Khalidoun. Donc ça prouve qu'à la base, il y a un truc qui s'est passé qui fait que le nom il est tombé. C'est quoi cette chose-là? C'est que Harf Nida, le Ya, il est là, mais le Muqadda, sous-entendu, tu ne le vois pas. Mafoumahada. Salifan. Istamir wa raddid. Écoute et répète. Donc là, il va vous apprendre à quoi? À vous servir d'un fi'l mudari' ou d'un masdar. La phrase a le même sens, mais vous pouvez la formuler de façon différente. Soit en conjuguant le verbe directement, ou soit en employant le masdar. Voyez, مثلاً يقول متى تطلع الطائرة. Quand est-ce que décolle l'avion? Et tu peux dire également متى يطلع الطائرة. Quand est le décollage de l'avion? طيب نفس المعنى انما تغيرت العباره سي هيس اكسبريشن كي شانجي توكليعو سي اكلعو ديكولي توكليعو سي كونجوغي لا نعم مضارع على دوزيام بيرسون فيمينا هي طائره هي

c'est masculin. Non, quand tu dis anta takhruj, c'est masculin. Ama anti takhrujina, c'est autre chose. Là, là, nous, on parle de quoi? De deuxième personne. Du masculin, et la troisième, du féminin. On n'a pas parlé de la deuxième du féminin. C'est la troisième du féminin qui ressemble à la deuxième du masculin. T'as faim? Non. Ça va bien? Andaman? Andak? متى يعود أحمد؟ متى عودة أحمد؟ عاد يعود. يف سي revenir. هي dans le معنى avec رجع نعم. C'est نعم. مرادف. C'est synonyme. رجع. Entre tous رجع. Tu peux dire les deux. Ça veut dire محمود يعود. من كذا ومحمود يرجع من كذا يرجع سلام يرجع يرجع سلام نعم يرجع راجع يرجع يرجع يرجع يرجع طيب ترجم quand Ahmed revient نعم quand est revenu de Ahmed نعم le retour le retour نعم ثامنا متى تزور المحل معهد متى زيارتك معهد c'est une madrasa c'est un institut c'est une école quand visites-tu l'université ou l'établissement et quand est ta visite نعم متى تهدر للسفر متى تحجز تحجز تحجز نعم متى تحجز للسفر متى حجزك quand tu réserves ton le pour le voyage quand réserves-tu pour le voyage quand réserves-tu pour le voyage ah quand tu réserves pour le voyage ah. quand est ta réservation نعم تاسعا أو عاشرا متى تنام متى تنام quand tu dors quand est-ce que tu dors et quand tu sommeil quand tu sommeil quand tu sommeil نام ينام c'est dormir et نوم on avait dit c'est sommeil نوم c'est le مصدر تنام نعم حادي عشر onzièmement متى تركب الطائرة؟ متى ركوب؟ لباز ركب أو ركب يركب؟ سي مونتي سو كيلكو شوز. Voyez, mais là, ça va être embarqué. Enfourché. Tout ce qui est, tu montes dans une voiture ou quoi, تركب السيارة. Ça y est. La rajoute. Aïe, ou à l'hissan sur le cheval. ركب يركب. J'ai dit Yerkabou, moi je crois, c'est une fatha, c'est Yerkabou. Ah, ouais. Rakiba, Yerkabou. Par exemple, tu dis Al-Kabou, Al-Jabal. Là, ça c'est pour monter une chose, embarquer une chose sur laquelle tu te déplaces. Mais Al-Jabal, c'est Tala. Moussa, Sarida, non? Aïdan. Quand est-ce que tu entres? Tu peux dire tu montes dans l'avion ou tu embarques? Mithlou li sayar? Non, merci. Mata, quand est-ce que tu embarques dans l'avion? Non, c'est correct. Quand est ton embarcation? Mon embarquement? Non. Quand est ton embarquement? Ton embarquement. طيب, Adam Afoum, Alhamdulillah. Rabi'an, Ajib, Kamafid Namouzaj. Réponds comme dans l'exemple. Yaqul, Mata al-Ikla'. Entre parenthèses, il met la réponse. As-Sa'a, Al-Tasi'a. Donc après, il faut, comment faire, assembler entre eux la question et la réponse pour dire Al-Ikla'u, Al-Sa'a, Al-Tasi'a. En fait, c'est Mata al-Ikla', quand est le décollage? Entre parenthèses, il met 9h, ça a tassé à 9h, donc tu veux dire

C'est en tout cas un cas, je t'ai interrogé à propos de cela. C'est à propos de Malakin. Ça dépend des phrases. Là, dans la phrase, on dira à ce moment-là. Après, c'est que le. Comme ils appellent ça. Le feeling. Avec le feeling, Shana, tu vas sortir quand une lettre, un harf, il en prenait comme ça ou comme ça. Ça a plusieurs sens. Et toi, tu vas ressentir la chose. Vous voyez ? Naam. Ajaba al-muwazzafu. Voyez, donc l'employé a répondu. Iqla'u fil 'ashirati sabahan. Que le décollage est à 10h du matin. Amen. Donc maintenant, il pose des questions qui sont rapportées au texte. Amen. Wa alaykum al-jaba li ghadin inshallah. Vous devez répondre pour demain. Aïe, voilà. Il a dit rien, tu vois. Il est habitué depuis le début, il a bien pour la chose. Que tu ne vas pas savoir entendre. Il y en a qui vont dire Adib Ala. Adib Ala Souel. Il y en a qui vont dire Ala. Tu vois. Awalen, Adib, ane as'ilatil atiya. Donc réponds aux questions suivantes. Awalen, ila aina zahaba Mahmoud. Où est-ce que Mahmoud est allé? Thanyan, لماذا ذهب محمود إلى المطار؟ Pourquoi محمود est allé à l'aéroport؟ ثالثا هل وجد محمود حجزا؟ Est-ce que محمود a trouvé une réservation؟ رابعا في أي يوم وجد محمود الحجز؟ Donc on va dire أي c'est quel. Donc quel jour, voyez, محمود a-t-il trouvé une réservation؟ Pour quel jour plutôt؟ خامسا متى يؤكد محمود الحجز؟ Quand est-ce que Mahmoud doit confirmer, voyez, la réservation؟ سادسا متى موعد إقلاع الطائرة؟ Quand est le rendez-vous pour le décollage de l'avion؟ Quand est le rendez-vous pour le décollage؟ نعم. Pourquoi on a pas dit l'éclair؟ Parce que là c'est un mudaf mudaf ilayhi. موعد إقلاع. Donc c'est ça veut dire ça. Au début, les traductions sont terre à terre, mot pour mot. Après, tu vas changer la chose, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme je dis, ça va venir avec le temps, Inch'Allah. Mafoum, fa'adil asila, ya alikumma liradi, Inch'Allah. Thaniya, deuxièmement, adjibun asila atiya. Donc, réponds aux expressions suivantes. Et cela mérite de vous, d'écrire de vous-même. Comme la dernière fois. Yaqul, mata hadarta ila riyad. Quand es-tu rendu à Riyad? ثانياً بماذا حضرت؟ Par quel moyen t'y es-tu rendu en fait? Comment? Toi à la place de Riyad tu mets hein? Là parce qu'ils veulent quoi en fait? Le lieu d'où tu as pris les billets pour partir. Donc c'est avant de partir. مثلاً مثلاً ثالثاً لماذا حضرت؟ Pourquoi t'as-tu es-tu venu ou t'es-tu rendu là-bas quoi? نعم. رابعا هل عندك جواز سفر؟ As-tu un passeport؟ خامسا من أين استخرجت التأشيرة؟ D'où as-tu fait sortir le visa؟ Une des phrases courtes. طيب. Vous ne cassez pas la tête comme vous pouvez. طيب. في حسب القدرة. طيب. استعين بالله ولا تعجز. طيب. Tu t'en mets à Allah. طيب. Et ne baisse pas les bras. Fais les choses. Même, on voit la phrase qui est assez dure, même une phrase courte, c'est pas grave. AMC, elle est correcte. Tayyib le raten, il y a sahiha. Tayyib, wa la ma'ana. Elle a un sens et elle est correcte. Ça va? Ma foi, madame? Tayyib. Ça, c'est un acte à fibre à l'alium. On a qu'un alhamdulillah, l'alhamdulillah.